Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. En série, souvent de dames, le Salon Noir ouvre ce soir un dossier noir, très noir, dont les protagonistes pourraient s'appeler le monstre de Montmartre, le dépeceur du canal, le tueur aux petites annonces, le cannibale de la Roure ou l'empoisonneuse de Presbytère. Sur la table de métal, les os ont été patiemment reconstitués. Allongé, le squelette semble intact, excepté le crâne, émietté par une salve de chevrotine. Bienvenue à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise. Sur le lieu du crime, les gendarmes, mais aussi les archéologues spécialistes d'une sous-discipline encore plus curieuse qu'eux-mêmes, l'archéologie forensique ou criminalistique si l'on préfère. On savait déjà que l'archéologie était une enquête, que les forces de l'ordre s'intéressaient au passé. Pour autant, que font des archéologues sur des scènes de crime ? À l'occasion de la 4e rencontre des archéologues forensiques européens, j'ai rencontré Anne Colombex, anthropologue forensique de la gendarmerie, Patrice Georges, archéologue criminaliste à l'INRAP, et le général Yves Chulliard, médecin-chef, directeur du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. T'as pas besoin d'un coup de main des fois, non ? Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Et celui-là, là ? Ah bah celui-là, il est mort. Quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Mais c'est quand même un monde. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Tu vas la boucler un peu, hein ? À votre avis, qu'est-ce qu'il venait faire ici ? Te buter ? Hein ? Vous aussi ? Non. Alors pourquoi vous avez un péter ? J'en avais pas. Vous êtes vraiment menteur, hein ? J'aime pas qu'on me traite de menteur. T'as compris ? Et si je te dis que j'en avais pas, j'en avais pas. C'est un copain qui a dû me le mettre dans la poche, c'est tout. Belle relation. Dis-moi qui tu fréquentes et puis je te dis. Je dirai rien du tout, on n'a pas le temps, faut emmener le macabé. Yves Chulliard, la gendarmerie découvre combien de cadavres enterrés par an ? Très certainement, quelques centaines de cadavres sont découverts chaque année. Bon, est-ce que c'est médico-légal ? Est-ce que c'est archéologique ? Bon, là est le problème. Anne Colombex, le fait d'enterrer son cadavre est-il une pratique courante ? Non, courant non. Ce n'est pas l'adjectif qui convient. Ça fait partie des pratiques, je dirais, funéraires contemporaines. Et un des moyens de se débarrasser d'un corps, de le cacher, de le faire disparaître. Mais ce n'est pas une pratique courante, non. Non. Alors je vais aller encore plus loin. Est-ce qu'on peut faire une sorte de profil du criminel et de son choix de lieu d'enfouissement ? Le fond du jardin, le puits, voire le puits de mine ? Déterminer, réaliser un profil psychologique du suspect, du tueur, à partir du lieu d'inhumation sélectionné, non, ça me semble impossible. En revanche, en fonction du type de sépulture, enfin de fosse que l'on va retrouver, on peut avoir quelques éléments sur sa personnalité. Mais ce sont des éléments d'information, par exemple une fosse creusée à la hâte, une fosse creusée avec plus de temps, avec des outils, une fosse creusée à proximité du domicile du meurtrier ou très éloignée de son domicile, une zone cachée dans la forêt ou une zone plutôt visible. Voilà, ce sont des éléments qui sont très intéressant pour l'enquêteur, mais en aucun cas on peut déterminer un profil, je pense, psychologique du meurtrier. Yves Chulliard ? Oui, pour compléter les propos de ma collègue, ce qui est important de préciser, c'est le contexte de l'homicide lui-même. Ça peut être quelque chose qui est programmé par l'auteur, planifié, donc il sait où il va commettre le crime et il a peut-être aussi une idée de l'endroit où il va entreposer le corps et de la façon dont il va s'en débarrasser. Donc là, effectivement, c'est programmé. Et puis, il y a ce qui se passe, dans le feu de l'action, dans un contexte de violence imprévu, donc ça finit par un crime. Et là, l'affolement ou la nécessité de faire disparaître le corps, là, on va peut-être beaucoup plus vite et là c'est peut-être des conditions d'enfouissement qui sont plus sommaires. On voit de tout très concrètement. Oh jeune homme, on ne pourrait pas être loin de ces 75 kilos. Il n'est pas pesé. Dans ces points-là, je peux vous l'embaumer façon Cléopâtre, le chef-d'œuvre égyptien, inaltérable. Mais on ne vous demande pas de conserver, on vous demande proposerais bien le puzzle congolais, 32 morceaux plus la tête. Ou alors le cubilot de Vulcain. 10 tonnes de fonte, 1500 degrés, et votre petit jeune homme se retrouve en plaque d'égout ou en grille de soir. Non, non, ni en poignée de porte, ni en lampadaire. Ce que je veux, c'est plus le voir, là. Mon ami tient un commerce. Ah bon. Lors de ce congrès, lors de cette conférence, un chercheur hollandais nous présentait visiblement une fouille dans un jardin. Le jardin, la cave, vous avez été confronté à ce genre de cas ? Oui, tout à fait, c'est assez récurrent comme cas. Effectivement, la proximité de l'habitat, des principaux suspects ou des meurtriers, est souvent privilégiée. Ce sont des cas qu'on retrouve souvent, oui. Quelques dossiers fameux ? Il y a cet homme, donc j'ai oublié le nom, je l'ai plus en tête, là, on le recherche encore actuellement. Toute la famille a été retrouvée dans le jardin du pont de Ligonnès. Bon, c'est un vrai cas concret là, qui nous concerne complètement. Alors, il existe la Naval Criminal Investigative Service, les experts, Bones. Les séries sont bien sûr très nombreuses sur le thème, très à la mode. Votre longue chaîne criminalistique est-elle la même que celle des feuilletons télé américains ? Ce qui est certain, c'est que bon, ces épisodes de séries, ça doit tenir en 45 minutes. Les techniques sont là, c'est celles qu'on utilise, mais la façon dont ça se déroule, c'est totalement différent. L'enquêteur fait aussi le spécialiste de scène de crime. Éventuellement, ils accomplissent les actes d'enquête. Donc, il y a un savant mélange des choses. En plus, dans un contexte de procédure judiciaire qui n'est pas le nôtre. Voilà. Patrice Georges ? Alors moi je rejoins le docteur Chulliard, c'est vrai que ces séries sont extrêmement bien faites, hein. Il y a un côté esthétique qui malheureusement ne se retrouve pas, bon, pour le voir de loin, hein, parce que moi je n'ai pas affaire à beaucoup d'affaires comme le docteur Chulliard ou Anne Colombex, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même nature esthétique, hein. C'est vraiment pas aussi agréable. Et alors en quoi ça diffère, hormis l'histoire, hormis tout ça en 45 minutes, en quoi méthodologiquement vos recherches diffèrent donc des séries américaines ? Alors, ça diffère, oui et non, hein. Je vous ai dit, elles sont extrêmement bien faites, mais les méthodes sont là, il y a que les temps qui sont raccourcis. Malheureusement, si on arrivait à résoudre toutes les affaires en 45 minutes, je pense que tout le monde serait content. Après, les séries américaines font appel souvent aux archéologues forensiques dès la scène de crime. Alors, c'est aussi intéressant de voir qu'aux États-Unis, là où l'archéologie n'est pas aussi développée qu'en France, bon, le fait d'avoir des archéologues forensiques, c'est connu et reconnu depuis très longtemps. C'est quoi un archéologue forensique ? En France, on est à cheval entre l'anthropologue et l'archéologue forensique. Bon, c'est quelqu'un qui a les techniques de fouille de l'archéologie et qui sont appliquées à la scène de crime. Alors 99,9%, ça sera pour des découvertes de corps. Mais aussi, vous avez des cas, il y a quelques affaires comme ça, où ça pourrait être des objets qui sont enterrés. En tout cas, c'est l'intervention de quelqu'un qui a les techniques de la fouille archéologique dans une affaire criminelle. Et de mon point de vue, c'est quelqu'un donc, qui est un archéologue avant tout, mais qui doit avoir aussi quelque part une culture criminalistique, une culture forensique, pour pouvoir s'intégrer et travailler dans une équipe pluridisciplinaire. L'archéologue, on ne le laisse pas tout seul pour chercher le corps. Il y a les enquêteurs, il y a les techniciens de scène de crime, il y a le médecin légiste, voilà. C'est un travail d'équipe et à lui de trouver sa place. Alors Patrice Georges, vous êtes archéologue, vous avez cette culture criminalistique ? Alors, je l'avais pas, évidemment, on n'est pas avec, hein, je l'ai acquise, notamment en faisant un mémoire de DU universitaire, hein, qui était d'ailleurs à Paris 5. Donc ça, c'est quand même important à dire, parce que c'est vrai que on se méfie, en France comme ailleurs, de ce qu'on appelle le CSI effect. Bon, il faut savoir que même si vous avez les techniques, il y a quand même un gros savoir à acquérir du point de vue des méthodes forensiques et puis du point de vue de l'organisation de la justice en France. C'est-à-dire que même si d'un point de vue technique, évidemment, l'archéologue, tout archéologue possède le minimum technique pour intervenir sur une scène de crime, après, il y a beaucoup d'aspects qui ne peuvent pas être appris en fac d'archéologie, par exemple. Anne Colombex, puisque vous gérez ce département, vous êtes plutôt anthropologue de formation ? Oui, tout à fait. Et je suis devenue ce qu'on appelle un forensic anthropologist en entrant en gendarmerie. C'est-à-dire que j'ai acquis certaines compétences, notamment criminalistiques, un certain savoir qui m'ont permis d'appliquer, dans le cadre du contexte légal, juridique, sur scène de crime, les méthodes de l'archéologie, en les maîtrisant et en travaillant voilà, sur les corps. Et tout ça, voilà, dans un contexte légal et en toute connaissance de cause, je dirais, en maîtrisant tous les thèmes et toutes les façons de faire. Et puis, vous avez commencé par l'archéologie et l'archéologie préventive. Oui, tout à fait. Yves Chulliard, il y a donc des archéologues gendarmes ? Bon, ils ne sont pas encore très nombreux. Moi, mon rôle en tant que directeur enseignement-recherche du pôle judiciaire, c'est d'améliorer les choses, de faire en sorte qu'on y pense plus systématiquement que ce n'est le cas actuellement. Et puis, mon rôle également, c'est d'avoir une équipe au niveau national pour des dossiers importants qui puissent être en complément des équipes de terrain, mais aussi plus tard, peut-être avoir un maillage de correspondants archéologues localement qui pourraient se joindre à nous ou être en complément de nos activités. Voilà. Donc des gens qui sont dans des instituts d'archéologie et qui sont, on va dire, réquisitionnés, c'est ça ? Quelques-uns qui pourraient, à condition d'avoir un petit vernis ou une formation criminalistique, connaître nos problématiques. On travaille, nous, dans un contexte procédural très précis, hein, donc avec des contraintes particulières, parce que après il y a une enquête, ça va jusqu'aux assises, donc il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on fait. On pourrait avoir, effectivement, un petit pool, une équipe, effectivement, au niveau national. Voilà. Alors justement, est-ce que l'on ne peut pas dire que les magistrats, les jurés demandent de plus en plus de preuves scientifiques aux assises ? De toute façon, déjà, l'aveu, on sait ce qu'il en est actuellement. Mais il y a toujours les témoignages, il y a toujours les données d'enquête. Mais effectivement, les traces, la criminalistique sont là pour étayer les choses, confirmer, voire infirmer. Il y a une demande maintenant quasi systématique de l'utilisation des traces matérielles dans l'enquête judiciaire. Patrice Georges, les archéologues interviennent à quel moment de l'enquête ? Il y a différents moments. Si vous voulez. Donc ça pourrait être très bien au début de l'enquête ou à un certain moment de l'enquête qui est orienté vers une phase de recherche de corps. Alors il y a beaucoup de recherche de corps. Après vous avez aussi l'aspect fouille. Donc il y a aussi deux phases qui sont complètement distinctes, pas forcément contiguës. Vous pouvez d'une part rechercher le corps et puis faire chou blanc et puis être rappelé alors que le corps a été trouvé par ailleurs où il y a une suspicion d'endroit et être appelé pour la fouille. Alors comment les archéologues recherchent les corps ? Donc vous avez le géoradar qui a la possibilité d'introspecter le sol sans destruction. Vous avez la possibilité de faire intervenir des anthropologues en complément d'archéologues et des médecins légistes. Bon, il y a les hélicoptères, il y a les drones aussi. Donc l'analyse de surface, les photos aériennes, ça peut être très utile. On peut faire du traitement d'image pour rechercher des variations dans le sol et pourquoi pas repérer des choses intéressantes. Mais alors, justement, là où nous, on intervient, on estime, alors après, c'est là où le cadre juridique est important, parce qu'on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut, on est dans un cadre très précis, mais c'est vrai que le décapage archéologique, si on est susceptible de retrouver des traces de tombes qui datent de milliers d'années, évidemment, vous vous doutez qu'un corps enterré il y a quelques années se lie extrêmement bien dans le sol. Encore faut-il avoir les engins et la méthodologie adaptée. Donc, le département que dirige Anne Colombex s'évertue à expliquer aux techniciens qui interviennent sur les scènes de crime et aux enquêteurs que nous avons ces possibilités-là en gendarmerie. Anne Colombex, vous prenez quoi ? Une pelle mécanique et puis vous écorchez la terre arable pour voir ce qu'il y a en dessous, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Lorsqu'il y a une trop grande surface à fouiller, évidemment, avec l'aide d'une simple truelle, on ne peut pas, vous imaginez bien, fouiller un hectare ou même quelques dizaines de mètres carrés. Donc l'idéal, c'est d'avoir une personne qui maîtrise ces techniques-là de fouille à l'aide de pelles mécaniques et d'avoir un bon conducteur de pelles mécaniques et de pouvoir assurer la fouille du terrain en question à l'aide de cette pelle mécanique tout en surveillant ce qui se passe au niveau du sol, au niveau des choses, des couleurs, des formes qui apparaissent au sol. Mais effectivement, c'est un moyen que nous privilégions. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Yves Chulliard, on utilise aussi des chiens renifleurs, détecteurs de cadavres, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc certaines races de chiens sont plus habitées ou sont plus sensibles aux odeurs de putréfaction et peuvent être dressées en la matière et ça marche parfaitement bien. Alors pour trouver la sépulture, la tombe, il y a aussi le géoradar. Alors soyons clairs, c'est pas comme dans les films où on va visualiser un corps parfaitement reconstitué dans une cavité, dans un sol. Donc le géoradar, ce sont des ultrasons. Alors il y a différents types d'antennes pour travailler plus ou moins en profondeur et ça repère des anomalies de structure, de modification de structure du sol, l'aspect compact ou pas, etc. Un petit aparté quand même, ça marche également sur l'eau. On avait fait un test d'utiliser le GPR, le radar, au fond d'une barque. Et effectivement, ça arrive à traverser l'eau et éventuellement à repérer des anomalies de structure au fond d'une rivière. C'est intéressant aussi. Donc, le corps a été détecté, soit par les archéologues, soit par le chien, soit éventuellement par géoradar. La fouille commence. La fouille n'est-elle pas le moment le plus délicat de l'enquête ? C'est un moment délicat, effectivement. Il faut faire preuve de minutie, il faut bien maîtriser la fouille. Le but étant de préserver les indices qui peuvent être présentés dans la fosse ou tout autour de la fosse. C'est-à-dire qu'il faut préserver quand même la scène de crime tout en fouillant cette fosse et en conservant le corps s'il est présent. Voilà, il faut être extrêmement délicat et très attentif à tous les petits détails, toutes les petites informations qui vont apparaître au fil de la fouille. Ouais. C'est-à-dire que j'imagine que vous tentez aussi de comprendre comment l'individu a été glissé dans la tombe, par exemple. Dans quelle position il est, tout ce genre d'éléments, les vêtements, bien sûr. Beaucoup d'informations peuvent être déduites à partir de la fouille. Tout d'abord, mais la dimension de la fosse. C'est très intéressant de bien trouver ce qu'on appelle en archéologie les limites de la fosse, c'est-à-dire les contours. C'est très intéressant parce qu'on va pouvoir déterminer s'il s'agit d'une fosse profonde, étroite, enfin vaste ou pas. Et de ces informations, on va pouvoir en déduire un temps, le temps du creusement. Donc fait dans la précipitation, pas dans la précipitation. On peut éventuellement parler d'outils utilisés pour creuser cette fosse ou pas. Parfois, il peut y avoir des résidus de peinture de ces outils utilisés au moment de la fouille. Donc c'est très intéressant. Donc il faut préserver ces contours. Donc les informations, les premières informations sont celles-là, elles sont capitales. Ensuite, une fois que l'on a bien dégagé le corps, c'est très intéressant d'avoir la position initiale du sujet. Nous, anthropologues et archéologues, nous observons les ossements, nous essayons de voir s'ils sont en connexion, c'est-à-dire s'ils se touchent, si tous les membres sont à leur place. Ça nous permet de donner la position initiale du sujet. L'individu était sur le dos, sur le ventre, sur le côté, peut-être en position fœtale. Et c'est très intéressant d'observer les connexions, parce que nous pouvons dire si les connexions ne sont plus, que l'individu aura été bougé après la mort, après la première inhumation, et que peut-être le corps a été déplacé, etc. Donc c'est une autre information que l'on peut avoir. Et enfin, la présence d'artefacts, d'objets que l'on peut trouver dans la fosse ou à l'extérieur, qui sont très intéressants, très importants. Par exemple, un projectile peut être retrouvé dans la fosse, et c'est extrêmement intéressant de savoir où il se situe dans la fosse pour savoir si le projectile était dans le corps, à l'extérieur du corps, s'il est tombé par hasard dans la fosse. Voilà, ce sont tout un tas d'informations que l'on note, que l'on enregistre pour pouvoir les donner aux enquêteurs et faire avancer l'enquête. Donc c'est capital. Vous parlez de l'importance des premières constatations sur place. C'est vrai, il s'agit d'identifier la victime, de retrouver l'auteur, mais également de reconstruire les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Est-ce que l'auteur était tout seul? Est-ce qu'il n'était pas accompagné d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui ont participé à l'événement proprement dit? En plus, il va déclarer un certain nombre de choses, il va y avoir des témoignages. Confronter tout ça, et c'est là qu'on va revenir sur ce qui a été vu initialement sur les lieux, sur la position du corps, les conditions d'enfouissement, quel outil on peut utiliser pour enfouir le corps de cette façon-là. C'est vraiment indispensable de passer du temps pour la collecte des premières informations et des premiers éléments en traces matérielles. Anne Koulombex, votre métier, donc anthropologue forensique, c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis ? Oui, tout à fait. C'est un métier jeune. Ce métier existe en gendarmerie depuis tout de même une quinzaine d'années. C'est un métier mal connu, malheureusement. Des formations existent tout de même en France pour pouvoir l'exercer. Effectivement, c'est un domaine, un métier qui ne demande qu'à progresser et qu'à se développer. Il y a même une littérature aux États-Unis, je pense à l'ouvrage de Morse en 1983. On écrit déjà beaucoup de choses dès cette époque, alors que ce n'est pas du tout introduit en France. Oui, il y a une énorme littérature sur l'archéologie, l'anthropologie forensique aux États-Unis. Moi, j'aime bien cette idée-là parce que c'est un pays qui a sans doute moins d'expérience en termes d'archéologie préventive ou autre sur son territoire national, mais du coup qui n'a pas eu de complexe à utiliser les compétences d'archéologues pour des scènes de crime. Peut-être que nous, avec le grand passif qu'on avait d'un point de vue historique, hein, depuis le temps qu'on fouille des sites préhistoriques et puis des sites historiques, l'importance qu'a l'archéologie, même en termes de patrimoine, peut-être que justement le problème est lié en fait à tout ce passif qu'on a eu du point de vue des méthodes de l'archéologie, alors qu'aux États-Unis, sans complexe, quelque chose marche dans un domaine, ils peuvent l'utiliser dans un autre. Nous, vous voyez, on est encore très cloisonnés en termes de discipline. Et puis, il y a l'anthropologie forensique, il y a l'archéologie forensique, il y a l'archéologie criminalistique, il y a la thanato-archéologie. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu la même chose ? Effectivement, il est très difficile de définir clairement les métiers en France. Notamment, en France, il y a un problème de traduction, surtout des termes. Le mot forensique est difficile à transcrire en français, effectivement. Donc il y a un peu une confusion et un mélange des genres, mais qui est finalement très bénéfique parce que c'est simplement une pluridisciplinarité. C'est mettre en commun des savoirs qui sont communs finalement. On s'est rendu compte ces dernières années en France que ces différentes disciplines dont vous parliez, l'archéologie, l'anthropologie, même la médecine légale, enfin tout ce qui touche à ce domaine-là, avaient des bases communes. Voilà, ce que nous sommes en train de faire en France actuellement, c'est de croiser les données, de croiser les savoirs, de travailler ensemble pour mettre à profit nos connaissances et parfois des connaissances un peu plus pointues dans chaque domaine pour pouvoir exceller. Alors, le côté forensique, c'est vrai que je crois que l'Académie de médecine n'a pas reconnu le terme. Mais du coup, c'est pas mal parce que nous, on travaille beaucoup avec des collègues européens et qui parlent en anglais. Donc, le forensique est connu de tous. Et ça parle plus aux gens parce que, alors là, vous parlez des séries télé. Mais du coup, vous voyez, les gens savent aussi ce que c'est que forensique sans même savoir exactement ce qu'on fait. Du coup, ils commencent à avoir une petite idée, même si l'archéologie ne voit pas bien pourquoi on interviendrait. Alors l'Angleterre a été tout à fait aussi pionnière dans ce dossier de l'anthropologie forensique ou criminalistique avec l'affaire Stephen Jennings, on est vers les années 1988. Effectivement, c'est une affaire qui a marqué l'archéologie forensique. Mais c'est vrai que quand on montre des photos de décapage liées à cette affaire et même des relevés qui sont des fausses qui sont liées à cette affaire, je les mets en parallèle avec ce qu'on fait en archéologie dans le cas de l'Institut national de recherche archéologique préventive, par exemple. C'est exactement la même chose. Donc ça montre bien que les méthodes sont identiques, sauf que dans un cas, bon, on est en train de découvrir des tombes de quelques centaines d'années et que dans l'autre, c'est une affaire qui était récente, une affaire criminelle. L'armée américaine aussi, notamment au travers de sa base à Hawaï, utilise des archéologues. C'est un organisme qui est chargé de retrouver les restes de soldats disparus ou les soldats morts sur différents théâtres d'opérations hein, depuis que les États-Unis font des guerres. Donc ils ont même des cas qui sont liés à la fin du 19e siècle. Mais alors de temps en temps, vous avez en France cet organisme qui vient pour des épaves d'avions. On l'a vu à Marseille, on l'a même dans l'Est de la France. Donc c'est même le seul organisme aux États-Unis qui emploie officiellement des archéologues forensiques. Généralement, vous avez des anthropologues forensiques dans les laboratoires, hein, des gens qui sont là pour étudier les ossements, mais eux ont cette compétence pour aller sur le terrain. Et puis, les archéologues de l'INRAP ont récemment rendu à l'armée américaine un soldat, le soldat Francis Lupo, tombé en 1918 près de Soissons et réinhumé à Arlington. Avant, bien sûr, toute une série d'analyses ADN avaient été faites pour réellement l'identifier. L'ADN, c'est une clé aussi de cette anthropologie criminalistique. Alors, l'ADN, c'est très intéressant parce que c'est un pouvoir discriminant très très important. Mais n'oublions pas quand même que l'ADN, ça reste quand même une comparaison. C'est bien d'extraire de l'ADN, même d'un corps très ancien, les techniques le permettent, mais avec quoi compare-t-on pour identifier ? Il nous faut de l'information. Voilà. Donc ça reste une trace puissante, mais ça reste une trace. Qu'en est-il des archéologues sur des catastrophes de masse ? Allez, prenons un exemple, le World Trade Center. J'ai eu la chance d'avoir de visualiser des présentations donc, concernant cette affaire. Effectivement, c'était impossible de gérer sur place compte tenu de la quantité de décombres, etc. Donc nos collègues américains ont déblayé avec toute une méthodologie, ont fait transporter par barge donc, sur le fleuve donc, là, à New York, donc, sur une immense aire, l'ensemble des débris. Et là, ce sont véritablement chaînes de triage associant médecins légistes, anthropologues, dentistes, effectivement archéologues, fouiller tous ces gravats pour refaire les fragments humain. Donc je me souviens d'avoir vu des tapis roulants où les différentes décombres circulaient par petits paquets et les gens fouillaient avec toute une précision pour trouver des restes humains. On avait vu des archéologues spécialistes de la crémation dans le suicide collectif de la secte du Temple solaire. On en a vu aussi dans le crash de la Germanwings. Alors nous avons associé les anthropologues à la phase de récupération des corps et ensuite de triage pour repérer les éléments humains, les différencier et puis essayer également de trouver des éléments d'identification. Parce qu'on sait très bien que c'est dans cette histoire, donc l'avion a été pulvérisé à 700 km/h sur un flanc de montagne, donc les corps étaient extrêmement abîmés. C'est vous qui avez eu en charge ce dossier terrible ? Alors c'est l'IRCGN, effectivement, le pôle judiciaire globalement, qui a eu à gérer cette affaire donc très récemment, oui. Donc vous avez fait intervenir des anthropologues, vous avez fait intervenir des chiens, j'imagine. Quel autre spécialiste avez-vous fait intervenir ? Alors ça a été un véritable travail d'équipe. Il y a les spécialistes du peloton de gendarmerie de haute montagne, parce qu'il fallait déjà que les gens soient encordés, protégés, pour pouvoir travailler à flanc de montagne et récupérer. Donc c'est toute la problématique du relevage des corps dans son ensemble. Où est-ce qu'on a trouvé les fragments, les numéroter, savoir à quel endroit on les a retrouvés. Les corps ensuite ont été rapatriés sur un site, donc il y a eu un processus de triage. en multidisciplinaire, mais effectivement, il y avait archéologues, anthropologues, médecins légistes, dentistes, mais aussi spécialistes en ADN, spécialistes en empreintes digitales, parce qu'il y avait malgré tout des doigts et qui ont pu servir pour identifier les corps. Et tous les ADN ont été identifiés ? Et tous les ADN ont pu parler pour permettre l'identification de toutes les personnes, oui. On connaît bien sûr le docteur Haglund, qui était d'ailleurs une fois l'invité du Salon Noir, et à propos des charniers de Bosnie et Herzégovine, du Rwanda ou de Chypre. La gendarmerie traite aussi de ce genre de dossier ? Alors, il y a un office qui a été très récemment créé, donc concernant les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et effectivement, donc là, cet office est de création récente et nous avons traité une affaire avec eux. Et effectivement, dans l'avenir, le rôle des archéologues forensiques pourrait être très, très important. Oui. À l'image de l'affaire Dutroux en Belgique, quelles sont les grandes enquêtes sur lesquelles sont intervenus les archéologues criminalistes de la gendarmerie ? Alors, une des plus emblématiques est celle de, que l'on nomme l'affaire Flactif, où de nombreux experts sont intervenus. Il y avait les experts des traces de sang, qui ont pu réaliser une PTS, ce que l'on appelle une PTS, c'est-à-dire un relevage des indices au sein de la maison. Il y avait des experts en biologie, en ADN, et puis des anthropologues qui ont été dépêchés sur site pour aller prélever les restes humains brûlés qui se trouvaient à flanc de montagne. C'est un meurtre, hein ? Oui, oui, tout à fait. Le meurtre a eu lieu a priori au mois d'avril, il me semble. Cinq mois après, on découvrait des restes osseux brûlés dans une zone forestière. Cinq membres d'une même famille avaient disparu. Et suite aux analyses ADN, aux prélèvements réalisés, trois des membres de cette famille ont pu être identifiés formellement. Alors moi, pour ce qui me concerne, j'ai souvenir d'avoir travaillé dans les années 90 donc pour l'affaire Émile Louis. On a travaillé sur des recherches de corps et ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque parce que grâce à l'utilisation d'une pelleteuse, on avait pu dégager un corps. Et c'était le corps, donc c'était une jeune fille. Et il y avait encore les valises avec toutes ses affaires dans les valises. Visiblement, elle devait imaginer qu'elle partait en voyage. Et je me souviens aussi, longtemps après la mort de cette jeune fille, il a dû se passer pas mal d'années, de l'intérêt des constatations sur place archéo-anthropologiques, on a retrouvé un mouchoir roulé en boule à l'intérieur de la mandibule de cette jeune fille, de la bouche. Et là, on imagine des tas de choses. Est-ce qu'elle a été étouffée ? Est-ce qu'on l'a bâillonnée ? Est-ce qu'on a mis ça pour l'empêcher de crier ? Véritablement, vous voyez, même avec un squelette, des années après, les constatations sur place nous permettent véritablement d'apporter des informations utiles à l'enquête. Voilà. Patrick Georges, si l'on fouillait chez Désiré Landru, on retrouverait encore quelque chose ? Alors, si vous avez la possibilité de nous faire fouiller, c'est sûr que l'Institut de recherche criminelle arrivera à montrer quelque chose. Alors quoi, je ne sais pas s'il reste des choses. Mais en tout cas, selon la question que vous nous poserez, on essaiera d'y répondre. Comme on dit classiquement, il faut aller voir. Hein. Si on ne va pas voir, on ne saura jamais s'il y avait quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas un beau sujet de recherche, de fouille, pour comprendre bien sûr ce qui s'est passé, mais aussi qu'est-ce qui a été bouleversé ? Oui, effectivement, ça serait intéressant. Alors, tout comme le site archéologique, effectivement, la maison de ce Landru, effectivement, il faudrait voir ce qu'il en reste. S'il ne reste que des ruines, ça peut être difficile. En revanche, s'il reste le foyer dans lequel étaient apparemment brûlés les restes humains, pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant de jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Mais il faut savoir que les corps ne se détruisent pas aussi facilement que ça et ne brûlent pas aussi facilement que ça. Donc la question pourrait être posée de l'enfouissement de restes humains dans, pourquoi pas, le jardin ou une parcelle qui appartenait à M. Landru, non loin de sa maison. Pourquoi pas ? J'ai la chance de faire partie de l'American Academy of Forensic Science. Ils ont une association attenante à l'American Academy, c'est la VDOC Society, et c'est de réviser les cold cases. On ressort les vieilles affaires, et pourquoi pas celle-là ? Il y a des nouvelles techniques qui émergent, et est-ce qu'on a tout trouvé ? Moi, je pose la question, je suis d'accord avec vous, c'est une excellente question de mon point de vue. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nedjar, à la technique Delphine Baudet, et avec la collaboration de Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le Salon Noir évoquera les grandes migrations vikings.